J'aurais voulu que tu entendes ça. Et même si on ne se connaît pas, j'aurais voulu que tu ne meures pas. Car chaque jour, je pense à toi. Et encore ce soir, j'écoute tes chansons. Encore une fois, je pleure comme un con. Je n'essaye pas d'être toi. C'est juste que je te comprends, crois-moi. Mais il est un peu tard, tu me diras, pour commencer à penser à toi. J'aurais voulu te commander des cassettes quand tu étais encore sur une autre planète. J'aurais voulu t'aimer de ton vivant. J'aurais même pu te le dire un jour, en étant sûr et certain que tu m'entends. Mais maintenant tu es parti, pour toujours. Et même si tu n'étais pas cool, et que ton sexe était mort, même si tu disais que les filles te refoulent, tu n'étais pas obligé d'en venir à la mort. Jean-Luc, tu me manques tellement, alors que l'on ne se connaissait même pas. Mais moi j'espère vraiment qu'on se croisera après mon enterrement. Je suis un peu comme toi en ce moment. Je suis abîmé, mais moi, je suis vivant. Et je m'en veux, même si je n'y peux rien. Mais je te le dis, vieux, tu es allé trop loin. Jean-Luc, tu me manques tellement, alors que l'on ne se connaît même pas. J'espère vraiment qu'on se croisera après mon enterrement. Je suis un peu comme toi en ce moment. Je suis abîmé, mais moi, je suis vivant. Et je m'en veux, même si je n'y peux rien. Mais je te le dis, vieux, tu es allé trop loin.